بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب في الدرس الماضي دخلنا في الفصل الجديد الذي يتعلق فيه بأحكام الصفات. ما هي القاعدتان اللتان أخذناهما؟ نعم toutes les صفات de perfection ne contenant aucun défaut, aucune défaillance, aucun manque. Sahih. Naam. Que le chapitre des sifat est plus large que le chapitre des asma, c'est-à-dire que de chaque nom on tire un sifat et pas le contraire. Et كذلك ذكرنا أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. أحسنت. اليوم سنأخذ ثلاث قواعد إن شاء الله لأنها قصيرة. وهذه التي سنذكرها اليوم ولزابقين تلمورية دجا شيئا ما هي سهلة. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. كل صفات الله عز وجل se divise en deux catégories. Les thubutiyya, ce qu'on appelle les sifat qui sont affirmés. Car Allah Azza wa Jal s'est attribué et qu'il a affirmé. Wasalbiya, celle qu'il s'est refusé, dont il n'est pas, qui ne lui sont pas attribués. وهذا يرجع إلى ما يذكر في مسألة الشهادة كما يقولون الشهادة ثكيا النفي والنثبات que tu affirmes la perfection et tu rejettes le défaut. Tu affirmes que Allah عز وجل مثلا il a l'ilm tout comme tu renies le fait qu'il est du jahl وتعالى عما يصفون. Tu affirmes qu'il est le hay, qu'il a la vie, la hayat al-mutlaqa, wa tunfin anhu al-maut. Wa kada. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc la ثبوتية, celle que Allah s'est affirmée pour lui-même dans son livre et sur la langue de son messager صلى الله عليه وسلم. وكل وصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحوه ذلك. Donc sont toutes des صفات de perfection qui ne contiennent aucun nox, aucun défaut, aucun manque, sous aucun angle. Comme la vie, celle d'Allah qui est parfaite, comme le ilm, celui de l'ilm d'Allah qui est parfait, la qudra, sa capacité, l'istiwa, sur le arche, sa descente au ciel de la dunya, également le visage, les deux mains et autres. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل, qui nous est obligatoire de les affirmer sur leur réalité, comme cela revient à Allah Azza wa Jal, et cela se basant sur les adillah du sama et du l'aql, et de la raison et des textes. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc maintenant le dalil du sam, c'est quoi? La parole d'Allah, dans le sens où il dit: oh, vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager, et au livre qu'il a fait descendre son messager, et au livre qu'il a fait descendre auparavant. Et celui qui mécroit en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers, et au jour dernier, c'est certes égaré d'un égarement évident. Ou il wata. فالإيمان بالله يتضمن والإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. يتضمن الإيمان بكل ما جاء به من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. Donc cet iman en Allah inclut le fait de croire en ses attributs et l'iman, le fait de croire au kitab qu'il a fait descendre sur son messager, c'est-à-dire de croire en tout ce que ce kitab contient et informe à propos des sifats d'Allah Azza wa Jal. Et le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit son messager, cela inclut de croire en tout ce qu'il nous a informé à propos de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Le verset veut dire cela, tu dois y croire. Wa hadha min arkan al-iman, al-iman billah, de croire en Allah, de croire en ses livres et de croire en ses messagers. Donc ça c'est un dalil du sama. Il y en a plein, hein, suffit, wahid yakfi, que tu dois y croire. Car tout cela ne provient que du wahi. Wa amma al-aql fala li'anna Allah ta'ala akhbara biha 'an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghayrihi wa asdaq qila wa ahsanu hadithan min ghayrihi. Donc le aql, c'est parce que Allah nous en a informé de lui-même. De ses sifats. Donc il est plus savant à son sujet qu'autrui, mais la échec. Il est plus véridique en parole et de meilleures paroles qu'autre. Tayeb, soit le nahwi, asdaqu qila, ma i'lab qila, wa ahsanu hadithan, ma i'lab hadithan. Quoi sont mon soub tous les deux? La règle, je l'ai donnée dans le mumtia. Ma ja bad ism tafdil, mon souban fahoua. Tamiz. Retiens-la, cette règle-là. Ce qui vient mansoub après un ism tafdil, en étant akira, c'est un tamiz. Fawajaba isbatuha lahu kama akhbara biha min ghayri taraddud. Fa'ina taradduda fi khabar innama ya'ti hina yakun al khabar sadiran mimman yajuzu alayhi al jahl aw al kadhib aw al ghay bihaythu la yafsah bima yurid. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. Donc il nous est obligatoire d'affirmer cela, ce que contient le livre, sans aucune hésitation. Car hésiter dans le khabar, cela n'arrivera que dans le khabar d'une personne ou que cela ne peut cela ne peut se produire que pour un khabar qu'il est permis d'avoir ta'anni, de faire attention. C'est-à-dire un khabar qui pourrait provenir de quoi? D'un jahl, ignorance. Est-ce que cela est possible envers Allah Azza wa Jal? Là. Ou du kazib. Est-ce que cela est possible envers Allah Azza wa Jal? Là. Ou alors l'ay, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas en mesure de faire comprendre ce qu'il a à dire. Il a du mal à s'exprimer. Est-ce que cela est possible envers Allah Azza wa Jal? Non. Est-ce que cela est possible envers ses messagers kazaliques? Non plus. Donc ces trois défauts-là, le jahl, le mensonge et le ay, c'est des choses qui sont impossibles avec Allah Azza wa Jal. Donc on doit accepter son khabar. Mais là, échec. Et le kazib, comme Ibn Qayyim, comment est-ce qu'on peut connaître le kazib? Le kazib, on peut le connaître avec trois choses. Le tanaqud, que la personne se contredise. Ou alors l'irtiraf, que celui qui parle reconnaît qu'il a menti. Ou alors un kalem ghayr waqi' mustahil, une chose qui est citée qui n'est pas possible et dont la possibilité est apparente. C'est quelqu'un qui te dit « Je suis un nabi ». On dit « Ça, c'est un mensonge. » Comme le nabi sallallahu alayhi wa sallam, le nabi a bardi. Donc tu mens. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحه إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. Donc on est de même pour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit accepter son khabar lorsqu'il était authentifié, bien évidemment, comme un hadith, car il est le plus savant des hommes au sujet de son Seigneur, le plus véridique en information et le plus grand conseiller dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, et le plus éloquent dans son kalam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des gens. Donc on doit accepter son khabar obligatoirement. Wa mazmoum shahadat anna Muhammadan rasulullah. Parce qu'on dit Muhammad Rasulullah, cela inclut cela. On doit croire en ce qu'on nous a informé. Et ça, c'est des choses prises dans même Usul Salafa. Donc ça, c'était As-Sifat As-Thubutiya. Les sifat qui ont été affirmées. Que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, s'est affirmé à lui-même. Ou As-Sifat As-Silbiya, on peut dire Silbiya, on peut dire Menfiya. C'est pareil. Celles qui ont été refusées. Celles dont Allah s'est dénué. ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. Donc c'est une sifat que Allah s'est refusé à lui-même dans son livre. أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Sur la langue de son messager. كل وصفات نقص حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. Ce sont toutes des sifat de défaut ou de manque en ce qui le concerne lui. Comme la mort, comme le sommeil, comme l'ignorance, comme l'oubli, comme la capacité et comme la fatigue. Par exemple. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على وجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. Donc ces sifat-là que Allah a refusé, il s'est dénué et a nié de lui-même. On doit également agir de la sorte. On ne peut lui attribuer, ce n'est pas permis. Car le fait, on a déjà dit, on doit les renier, bien évidemment, tout en affirmant leur opposé. Car cela, justement, c'est ça, la vision de la perfection. Quand tu enlèves un défaut, tu affirmes au contraire sa qualité. Ça amène quoi à la perfection? Car le fait, simple fait que Allah s'y refusait ces sifat-là, ce n'est pas un simple nafi ou refus qu'il a fait, mais c'est pourquoi? Pour affirmer le contraire. Donc ça, c'est encore plus parfait, c'est encore plus beau. Et encore plus complet. لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. Car le fait de nier une chose n'est pas une perfection en soi, si ce n'est en affirmant le contraire qui, elle, démontre la perfection. Maintenant, quelqu'un te dit, lui, il n'est pas faible. Cet homme-là n'est pas faible. Est-ce que cela implique qu'il est fort forcément? Non. Non. On te dit juste qu'il n'est pas faible. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Par contre, on te dit qu'il n'est pas faible. Mais, cependant-là, qu'est-ce qu'il est fort? Là, tu as affirmé le contraire. Donc là, c'est plus proche de la perfection en décrivant la personne. La négation, c'est du néant. Et le néant, ce n'est rien du tout. فضلاً أن يكون كمالاً. Alors que dire? De dire que c'est la perfection, ce néant. وَلِيَنَّ النَّفِي قَدْ يَكُنْ لِعَدَمْ قَابِلِيَّةِ الْمَحَلِّ لَهُ فَلَا يَكُنْ كَمَالاً. Car le fait de nier une chose, ça peut être tout simplement du fait que la personne est incapable de faire cette chose-là. Comme des abiyas qu'il va citer dans de poésie. قَدْ يَكُنُ لِعَجْزْ عَنِ الْقِيَمْ بِهِ فَيَكُنْ نَقْسَنْ. Une personne, مثلاً, qui n'est pas capable d'appliquer cette chose-là. Donc là, c'est quoi? C'est un manque. Kama fi qawl ash-sha'ir kubayratun la yahduruna bi dhammatin wa la yadhlimuna an-nas habat khardalin. Que c'est une kabila qui ne trompe personne, aucun pacte, et qui ne sont justes envers personne. Wa qala akhar لكن قومي إن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. Il dit que mon peuple n'ont aucun mal, ne contiennent aucun mal en eux, même si on s'en prenait à eux, dans le sens. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par ces abiyat-là? Ce n'est pas par puissance et par force, mais par incapacité. que ton âne ne font pas de zulm, non pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils n'ont pas la force de le faire. Ça, on l'a pris dans At-Tadmuriyya. Donc quelqu'un te dit, Foulane, il n'est pas injuste. Seulement, ça ne veut pas dire qu'il est juste. Peut-être qu'il n'est pas injuste parce qu'il ne peut pas être injuste. Il voudrait l'être au fond de lui, mais il n'a pas la force de faire face aux gens. Mais tu dis, Foulane, il n'est pas injuste, mais il est très équitable. D'accord, là tu as affirmé le contraire. Alors, le simple fait de dire qu'il n'est pas injuste ne veut pas dire qu'il est juste non plus. مثال ذلك قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى الموت عنه يتضمن كمال حياته car Allah dans le sens où il est dit et repose-toi sur le vivant celui qui ne meurt pas. Il s'est affirmé la vie et a nié, a refusé quoi? La mort. Donc ça c'est quoi? De la perfection. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا que ton Seigneur n'est injuste envers personne. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. Lorsque Allah lui renie le zulm, le refuse, cela implique quoi? Son contraire, c'est-à-dire l'équité et la justice parfaite. هذا في حقه. Avec autre que lui, ce n'est pas pareil. Lorsque Allah te refuse un sifat, c'est-à-dire ta sifat ne l'a pas, cela inclut son opposé. Cela inclut son opposé en tant que qualité, en tant que attribut. تمام ده مدح مثال ثالث قول الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض que Allah n'y a rien qui ne soit en mesure de l'empêcher de faire ce qu'il a à faire dans les cieux ni sur terre فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده انه كان عليما قديرا que le fait que Allah ait refusé la capacité s'en est dénué. Cela inclut la perfection de sa science et de sa capacité. C'est pour cela qu'après, dans la suite, il dit quoi dans le verset, dans le sens, il est certes omniscient et omnipotent. Aliman qadira. Lien al-ajd sababuhu imma al-jahl bi asbab al-ijad wa imma kusur al-kudrati anhu. Falikamali علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. La capacité peut avoir lieu à cause de quoi? Alors quelqu'un tu lui dis fais telle chose, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Car il n'a pas la capacité de faire les causes pour y arriver. Ou alors qu'il n'a pas la force de faire cette chose-là. Et cela, في حق الله عز وجل, c'est impossible. من صفات الله القوة, la quwa parfaite. C'est-à-dire que Allah a la force parfaite, il peut tout faire. Misal kudra, kudratuhu, c'est Allah qadir, c'est-à-dire qu'il peut tout faire, omnipotent comme ils disent en français. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. C'est pour cela qu'après on voit que le sifat silbiya, al-manfiya, peuvent elles-mêmes inclure plusieurs formes de perfection. Plusieurs formes de perfection. Il a dit qu'anat al-qa'ida al-thalitha, que les sifats sont deux catégories, les thubutiya affirmées ou les manfiya, celles que Allah s'est refusé. Donc ça, ça ramène quoi? Au nafi ou l'isbat. Et celle qui s'est refusée implique le contraire, l'affirmation de leur opposé. Al-qa'ida al-rabi'a. Quatrième règle. الصفات الثبوتية صفة مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها وهو أكثر. Donc ces صفات de thubutiya sont les صفات de bien, de louange, de perfection, d'éloge. Et plus elles se multiplient, et plus elles se diversifient, et plus cela démontre quoi? La perfection de celui qui est décrit par ces صفات-là, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. D'où la qaïda qu'on avait pris dans Talmuriya, que sifat kamel, sifat al-thubutiya, le os c'est quoi? Al-tafsil. On détaille que Allah est de telle façon, que Allah est de telle façon, que Allah est de telle façon. La base c'est qu'on fait al-tafsil. Et parfois ça vient ijmel, on cite de façon générale. Et les Silbiyan, menfiya, c'est quoi la base? On les cite de façon ijmaliya, de façon générale. Et parfois on fait un tafsil, pour des raisons, comme cela va être cité, inshallah. Kama akhazna fi at-tadmuriyya. On ne dit pas que Allah n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. C'est pas comme ça la base. Mais parfois on le fait pour des raisons particulières. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. C'est pour cela que les صفات ثبوتية sont bien plus nombreuses, celles que Allah a cité, a informé à propos de lui-même, sont plus nombreuses que les silbiyah. Comme on l'a dit, parce qu'il y a plus de tafsir dedans. أما صفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال التالية. Et que les sifat selbiya ne sont cités que en tafsil, c'est-à-dire le plus fréquemment que dans certaines situations, comme ce qu'il va citer maintenant. Al-Ula bayan umum kamalihi. En premier lieu, pour montrer justement de façon générale sa perfection. Fi qulillahi ta'ala, laysa kamithlihi shay. Qu'il n'y a rien qui est comme lui. Là, il a fait quoi? Un nafi, âme générale, il n'y a rien qui est comme lui. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et qu'il n'y a rien qui lui est égal. Qui n'a pas d'égal. D'accord? Il n'a pas d'égal. Donc là, il a fait quoi? Un nafi. Du mithil, du mathl et du kufu. الثانيه نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قول الله تعالى ان دعوا للرحمن ولدا. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Mathalan, également, des fois, il le dit pour réfuter ce qu'auraient prétendu les menteurs à son sujet, comme ceux qui ont dit que Allah a un enfant. Dans le sens Allah a dit qu'ils ont prétendu, ou ils ont prétendu que Allah, le Rahman, a un enfant, et qu'il ne revient pas à Allah de se procurer un enfant. Donc il a fait quoi, tafsil? Allah n'a pas d'enfant. الثالثة دفع توهم نقصي من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. Et le fait de pouvoir également pour refuser ou pour refouler ce que pourraient s'imaginer des gens, des juhal, dans des choses particulières. مثلا كما في قول الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Que nous n'avons pas créé les cieux et la terre par jeu. Car des gens pourraient dire, Allah l'a fait comme ça. Allah te dit bien, il n'a pas fait par jeu. Il y a une raison. وَقُولُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Nous avons certes créé les cieux et la terre, en ce qui est entre les deux, en six jours, n'ont pas été atteints de fatigue. Contrairement à ce que disent les chrétiens, que, comme ils disent dans leur Bible, que Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour, il s'est reposé, il était fatigué. C'est quoi comme divinité qui se repose, qui est fatiguée? Là, c'est qu'il a du ajz, il a du tarb. C'est-à-dire qu'on peut le fatiguer alors. Eh bien, nous, dans le Coran, Allah il a bien dit comment il est et qu'il n'y a aucune fatigue qui l'a touché. Et la fatigue, c'est une sifat de quoi? Fihakillah, de nox. Mais il a échec. Donc là, il a fait tafsil, qui n'a pas la fatigue, qui n'a pas créé les cieux et la terre par jeu, qui n'a pas d'enfant et qui n'a rien qui est comme lui. Donc, les fois où Allah fait un tafsil sur le fait qu'il se dénue et qu'il nie un attribut, c'est pour une raison, pour ne pas que des gens s'imaginent telle chose, ou quelque chose qui ne leur revient pas, ou autre. Il y a différentes raisons. Donc, le asl dans les sifat thubutiyah à tafsil, on les cite de façon détaillée. Et parfois, de façon ijmaliyah. Et le asl dans les sifat silbiyah, manfiyah, c'est qu'on le cite de façon mujmal, de façon générale. Et parfois, on fait un tafsil, pourquoi? Pour des raisons particulières. Car on a dit, faire un tafsil pour dénuer une personne de défaut, c'est une forme de stizer envers lui. Par exemple, tu vois quelqu'un, toi, tu n'es pas avare, tu n'es pas faible, tu n'es pas petit, tu n'es pas moche, tu n'es pas bête, tu n'es pas... Et tu te moques de moi, quoi. Et tu te moques de moi. فَمَّا شَأْنُوك بِحَقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ. Faire l'éloge de quelqu'un, c'est pas en disant tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas. Là, et surtout dans la créature, que le fait de nier un défaut n'implique pas forcément son contraire. Donc les sifat sont de deux sortes, thubutiya ou silbiya. Wa al-qa'ida al-khamisa, cinquième règle, on finit par celle-ci. As-sifat al-thubutiya tanqasimu ila qismayn, dhatiya wa fi'liya. Les sifat thubutiya sont les deux catégories. Zatiya, ceux qui sont liés à l'essence d'Allah Azza wa Jal, et fi'liya, ceux qui sont liés à ses actes. C'est quoi zatiya? Yallati la tanfaq an zatihi wa ya lazima lahu. Ce sont celles qui ne se séparent jamais de lui, qui sont toujours liées à Allah Azza wa Jal. Et elles sont de deux sortes. Ma'nawiya, comme مثلاً al-ilm, comme مثلاً al-basar, la vue, comme مثلاً al-sam', d'accord? Ça c'est les ma'nawiya. Et t'as les khabariya, celles qu'on ne peut connaître ce n'est que Allah nous en informe, comme مثلاً al-yadan, les deux mains, comme al-qadam, le pied, comme al-aynayn, les deux yeux. Ça c'est les sifat khabariya. On ne peut le savoir si Allah ne nous l'a pas donné. Mais dans les ma'nawiya, fahim ta'ala? Donc celle-ci, elle rentre dans quoi? Dans Azatiya. Ceux qui sont liés à l'essence d'Allah Azzawajal. Toujours. D'accord? Elles sont liées à Allah Azzawajal. Toujours. فَقَالَ فَذَاتِيَا يَلَّتِي لَا تَزَلُوا وَلَا يَزَلُوا مُتَصِفًا بِهَا كَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَ وَالسَّمْ وَالْبَصَرُ وَالْعِزَّ وَالْحِكْمَةُ وَالْعُلُو وَالْعُظْمَةُ. Comme on vient de le dire. وَمِنْهَا الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ. Comme on vient de le dire également. Kalwaj, wal yadain, wal aynain. Donc ça, ce sont les khabariya. Les premières sont les ma'nawiya. Et toutes les deux rentrent dans quoi? Dans al-zatiya. Les deux, khabariya et ma'nawiya, rentrent dans quoi? Dans al-zatiya. Attention, ce taksim qu'on est en train de citer là, chez les salafs, c'était pas connu. Chez les anciens. Ils n'ont pas différencié entre l'ilm, mathalan, ou al-yad. Ça, ça arrivait pas à la suite. À cause des gens, les gens de la bid'a qui nous fatiguent avec leurs choubouhettes, des fois, te force à faire des takassi pour pouvoir classer les choses et les rendre plus faciles à comprendre et assimiler. Mais en vrai, ce taksim-là, chez les premières générations, n'existait pas. Donc, ça, ce sont les premières, qui sont les zatiya. Wal fi'liya, yallati tata'allaku bi mashiyatihi, insha'a fa'alaha, wa insha'a lam yaf'alaha, kal istiwa 'ala al-'arsh, wa an-nuzul lis-sama'i dunya. Donc, celles qui sont liées aux actes, fi'liya, ce sont celles qui sont liées à sa mashi'a, à sa volonté. Il les fait quand il veut. D'accord? Il les fait quand il veut. Et comme il veut. Et comme cela lui revient dans son droit à Azza wa Jal. Comme il y a les kobe. Comme le stiwa, l'instauration sur le arch, le nuzul, la descente. Ou les alika. Ibn Abi al-Iz, dans Shah Tahawiyya, il dit qu'il n'est pas permis de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le sifat Masalan et Fi'liya, que des sifat, ils ne les avaient pas auparavant, elles sont venues par la suite. On dit là que Allah Azza wa Jal, même si des choses, il les fait à un moment et pas forcément à un autre, le wasf, il l'a toujours eu. Toujours. D'accord? Sifatuhu qadima, elles sont anciennes, c'est-à-dire n'ont pas de début. Toutes. Et le fait que la sifat se renouvelle et s'applique à différents moments, elle s'arrête et recommence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas auparavant. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas auparavant. وقال وقد تكون الصفات ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كاف كل الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. Donc maintenant, les sifat dhatiya et fi'liya, plutôt parfois, une sifat dhatiya et fi'liya peuvent être liées, se trouver dans les deux catégories. Comme le kalam, la parole. Car à la base, c'est une sifat dhatiya, elle est toujours liée à Allah Azza wa Jal, le kalam. Comme le ilm, comme la kudra, c'est une chose qui est liée à Allah Azza wa Jal d'aïman. Cependant, elle est fi'liya de quel sens? Qui parle quand il veut. D'accord ? Il parle quand il veut. Et ce kalem est lié à sa machia. Comme dans le sens où il dit, et son ordre, lorsqu'il veut quelque chose, qu'il n'a juste à dire soit et la chose est. Soit et la chose est. Et soukout kazalik min sifati lakin la tuqal la samut laqan. Que Allah muttasifan bil kalam. Tamam. Azalan wa abada depuis toujours et toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il parle tout le temps. Fahimta hada? L'être humain comme toi, tu as parmi tes attributs, tu as la parole. Tu parles, un tamutakallim, tu t'exprimes, tu parles, tu sors une voix avec des sons. Est-ce que cela veut dire que tu parles tout le temps? Là. Mais pourtant, tu es décrit comme étant quelqu'un qui parle. Bah là, pour t'as des gens, c'est des pipelettes, c'est des bavards, ils parlent tout le temps. Et t'en as, ils parlent pas beaucoup. Le fait qu'ils parlent pas beaucoup ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas. Et qu'il est toujours décrit comme étant quelqu'un qui parle, malgré tout. Adabem takrib, atatafam fakat. Wa kullu sifatin ta'allaqat bi mashiyatihi ta'ala. فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Donc tout le sifat qui est lié à sa machia, à sa volonté, même, elle est liée également à sa hikmah, à sa sagesse. Et cette sagesse, cette hikmah, il se peut qu'on la connaisse, tout comme il se peut qu'on ne la connaisse pas. Et qu'on ne puisse la concevoir. Quoi qu'il en soit, nous savons avec certitude qu'Allah ne peut vouloir une chose, si ce n'est qu'elle englobe une sagesse derrière. D'accord ? Comme il le dit dans le sens, que vous ne pouvez vouloir, c'est Allah qui le veut, et que Allah est certes omniscient et parfaitement sage. Que Allah est omniscient, enfin, et parfaitement sage. Ce sont les trois kawaïd qu'on a pris aujourd'hui. Que les sifat sont de deux sortes, thubutiya et silbiya. Qu'on a pris également que les sifat thubutiya ne sont que des sifat de madh et de kamel, de perfection. Et plus elles sont nombreuses et diverses, et plus cela mène encore plus de perfection. Et troisième règle qu'on a appris, qui est la cinquième du livre, dans le fosse des sifat, qui est que les thubutiya sont les deux catégories. Les dhatiya et les fi'liya. Les dhatiya, on a dit quoi, se divisent elles-mêmes en deux, qui sont les ma'nawiya et les khabariya. Et après, on a appris les fi'liya. Adahu, alladhi qadna al-yawm. Mafhoum hadha. فالحمد لله رب العالمين